إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, si je ne me trompe pas, aujourd'hui on est au cours 17 dans la série des durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi écrit par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et aujourd'hui on commence un chapitre qui s'appelle Babun fi sujoud lis-sahw. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est le chapitre de la prosternation qu'on fait lorsqu'on a oublié quelque chose dans la prière ou qu'on a fait quelque chose par oubli. Donc, le cheikh ici, il commence en disant « Lamma kana l'insanu urdatan l'innisyani wa dhuhul wa kana shaytanu yahrisu ala an yushawisha alayhi fi salatih » ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته وربما ترتب على ذلك نقصا في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو. Donc le cheikh dit, étant donné que l'être humain est toujours susceptible d'oublier et que le shaitan fait tout ce qu'il peut pour essayer justement de le distraire dans sa prière en lui faisant penser à toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses durant la prière. Donc c'est-à-dire que le shaitan il essaie faire tout ce qu'il peut pour te distraire et te déranger durant ta prière par toutes sortes de pensées. Alors, à cause de ça, ça amène que, en réalité, il arrive souvent qu'on peut oublier quelque chose dans la prière ou rajouter quelque chose dans la prière par oubli, ou bien par distraction. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré, il a établi comme règle pour les personnes qui, lorsqu'ils prient, qu'à la fin de leur prière, ils doivent se prosterner dans le but de réparer ou de corriger cette erreur-là qu'ils ont faite ou cet oubli-là. Et en même temps, c'est une humiliation puis une façon de se venger du shaitan et de corriger qu'est-ce qui a été manqué ou qu'est-ce qui a été défaillant dans notre prière et se plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama appellent cette sujoud qu'on fait après la prière, lorsqu'on a fait un oubli ou qu'on a eu un oubli dans la prière, ils appellent ça sujoud sahw. Ok, sujoud sahw. Et le cheikh il dit ensuite wa sahw huwa an-nisyan. Sahw c'est quoi? C'est l'oubli, ça veut dire l'oubli. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو فقد حفظ عنه وقائع السهو في الصلاة وسلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وقام من اثنتين ولم يتشهد سهوا فسجد وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. Donc le cheikh ici il explique, il dit que as-sahu c'est quoi? C'est l'oubli. Et donc le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des oublis dans sa prière, et ces oublis-là qu'il a eu, ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa umma et du fait qu'il a complété pour nous sa religion. Naam, il a complété pour nous notre religion. Donc le fait que ces choses-là se soient produites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a servi de ça. Yani, ça a servi à ça comme exemple pour savoir l'exemple à suivre pour savoir comment arranger notre prière si on a oublié quelque chose ou si on a fait une erreur. Donc le cheikh il dit que il a été enregistré ou bien on a préservé certains événements qui se sont produits à son époque au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commis certaines erreurs ou bien oublié certaines choses durant la salat. Donc par exemple il mentionne le shirk que parfois une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le taslim après avoir fait deux rak'ah et il a fait ce jour de sahou après, c'est-à-dire au lieu de faire quatre il a fait deux je crois. Et ensuite il donne un autre exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le taslim après avoir fait trois rak'ah, d'accord. Et il donne un autre exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est élevé après avoir fait deux rak'ah et sans faire le tashahhud, c'est-à-dire il s'est élevé sans faire le tashahhud par erreur et donc il a fait ce jeu de sahou. Le premier événement s'est rapporté selon Abi Huraira dans l'histoire de Zuliyadain et s'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le deuxième événement s'est rapporté par Umran ibn Hussein selon Muslim, par Muslim selon Umran ibn Hussein. Et le troisième événement qu'il a mentionné c'était selon Abdullah ibn Buhayna et c'est Muttafaq alayh rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh il dit à la fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'un de vous oublie quelque chose dans sa salat, alors qu'il fasse deux sujoud, qu'il fasse deux prosternations à la fin. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et pour mentionner le hadith au complet, le hadith de Ibn Mas'ud, ça dit صلينا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انتفل من الصلاة تشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانتقل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. Donc ça c'est un hadith comme on a dit qui est sahih, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Ibn Mas'ud, et ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, nous a guidé dans la prière, mais il a prié 5 rak'ah. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens ont commencé à parler entre eux. Les gens ont commencé à faire tashawwashu, c'est-à-dire ils ont commencé à chuchoter ou murmurer entre eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: qu'est-ce que vous avez? Ma sha'nukum? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Alors ils ont dit: ya Rasulullah, est-ce que quelque chose a été rajouté ou augmenté à la prière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non. Alors ils ont répondu: parce que tu as prié 5 rak'ah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 sajda, il a fait 2 prosternations, puis ensuite il a fait taslim. Et puis, donc, il a dit ensuite, je ne suis qu'un être humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Donc, si quelqu'un d'entre vous oublie, alors qu'il fasse deux prosternations. Hein, qu'il fasse deux prosternations. وفي لفظ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. Si il augmente quelque chose dans sa prière, si la personne augmente ou diminue quelque chose de sa prière, alors qu'il fasse deux sajda, deux prosternations. Donc ça c'est le hadith de Ibn Mas'ud. Le cheikh il l'a pas mentionné dans le livre, mais j'ai voulu le mentionner pour disons rajouter un peu de disons de fa'ida, inshallah, un bienfait ou un bénéfice dans la compréhension de cet aspect de la sunna, yani comment réparer nos prières lorsqu'on a fait une erreur ou un oubli. Et l'autre hadith que le cheikh a mentionné, qui est rapporté selon Imran ibn Hussein, c'est-à-dire qala sallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi thalathi rak'atin min al-'asr thumma qam fa dakhala al-hujra فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. Donc ça c'est un autre hadith qui parle de ce sujet là, c'est rapporté selon Imran ibn Hussein. C'est rapporté par Muslim selon Imran ibn Hussein, comme on a dit. Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le taslim après avoir fait trois rak'at pour la prière de Asr. Et il s'est levé, puis il est rentré dans sa chambre. Alors, un homme s'est levé, et il avait des longs bras, hein, Zuliyadin. C'est Zuliyadin, je crois. Et, yani. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a raccourci la prière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un changement dans les règles de la prière maintenant? Est-ce qu'on prie trois rak'at pour l'asr au lieu de quatre? Hein, il veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa chambre et il a fait la rak'at qu'il n'avait pas fait, puis il a fait le taslim, puis il a fait sujoud sahou. Hein, puis il a fait le taslim encore. Donc, ça c'est rapporté par Muslim. Hein? Donc, ça c'est celui-là. Et le hadith de Ibn Buhayna, ou Bahina, ça dit Annahu qama sallallahu alayhi wa sallam fi dhuhri min rak'atayn, falam yajlis, faqama al-nas ma'ahu, falamma qudiya al-salah, intadhara al-nas taslimahu. فكبر سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم. Donc c'est ça. Ça c'est muttafaq alayh, c'est rapporté par le Bukhari Muslim. Et ça dit quoi? Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé lors de la prière de Dhuhr et yani il s'est levé après avoir fait deux rak'at, mais il a pas fait le tashahud. Yani il a oublié le tashahud. Il s'est pas assis pour faire le tashahud, alors les gens se sont levés avec lui. Et lorsque il a terminé la salat, les gens attendaient qu'il fasse le taslim. Toutefois, il n'a pas fait le taslim, il a fait le takbir et il a fait deux prosternations avant de faire le taslim. Puis ensuite, après avoir fait les deux prosternations, il a fait taslim, c'est-à-dire il a dit assalamu alaikum pour terminer sa prière. Donc ça, c'est quelques hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là. Donc, yani, ça montre les règles, quelques règles en ce qui concerne ça. Puis maintenant, on va expliquer, maintenant en détail, on continue à lire les explications détaillées du cheikh Al-Fawzan dans le livre. Le cheikh, il dit, وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورِ أَوَّلًا إِذَا زَادَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا ثَانِيًا إِذَا نَقَصَ مِنْهَا سَهْوًا وثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. Donc le cheikh il dit que la personne qui a oublié dans la prière quelque chose, eh ben c'est permis pour lui de faire le sujoud de sahou dans trois cas, disons, ou dans trois catégories de d'erreur, disons, ou d'oubli. La première catégorie, c'est lorsque la personne rajoute quelque chose dans la prière par oubli. La deuxième cas, c'est lorsqu'une personne enlève quelque chose ou diminue quelque chose de la prière par oubli. Et la troisième, c'est lorsque une personne a un doute dans l'ajout ou la diminution. C'est-à-dire, il ne sait pas. Est-ce que j'ai augmenté, est-ce que j'ai ajouté ou est-ce que j'ai diminué? Il a un doute. Dans ce cas-là, il y a ce jeu de sahou qu'on doit faire. Mais tout ça, ça doit être expliqué et clarifié en détail parce que il y a différents cas, il y a différentes sortes d'oublis et il y a des oublis de différentes choses. Par exemple, ça peut être différent selon les cas. Si une personne, par exemple, a oublié quelque chose qui est un pilier dans la prière, un rukn, ou bien si quelqu'un a oublié quelque chose qui est simplement comme quelque chose de wajib, donc ça va différer, ça va avoir un autre, c'est-à-dire il y a des règles qui vont se référer à ça. Maintenant, on va essayer de continuer à expliquer ça pour clarifier encore plus la situation le plus possible, inshallah. Puis à la fin de ce chapitre, inshallah, on va faire comme une sorte de petit résumé global de tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, inshallah, pour que ce soit plus clair possible. Donc le cheikh dit فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل لا لكل زيادة أو نقص أو شك. Donc le cheikh dit que la personne elle doit se prosterner pour une de ces trois cas là qu'on a mentionné, c'est-à-dire soit un ajout, un oubli ou un doute. Mais il ne fait pas sujud de sahou pour tous les cas d'augmentation ou de diminution ou de doute. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir c'est quelle sorte d'ajout, c'est quelle sorte de diminution et c'est quelle sorte de doute et c'est au sujet de quel aspect de la prière qui a été diminué ou ajouté. Donc il faut voir les règles de ça, puis c'est ça qu'on va expliquer. On va expliquer les trois cas séparément avec les détails, inshallah. Donc avant de commencer, le cheikh il continue encore à expliquer un petit peu. Il dit wa yushra'u sujud as-sahw idha wujida sababuhu sawa'a kanat as-salatu faridatan aw nafilatan li'umum al-adillah. Donc le cheikh il dit que c'est légiféré, ou bien disons que ça fait partie de la charia que on fait le sujud as-sahw lorsque on a une raison de le faire, peu importe que ce soit pour une prière obligatoire ou une prière supplémentaire ou volontaire. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour le fard, l'obligation qu'on doit faire le sujud de sahou, mais c'est pour également les prières qui sont pas obligatoires aussi. À cause de la généralité, disons, des preuves à ce sujet-là. Disons, c'est pas spécifique à l'obligation ou à la prière volontaire. Ensuite, le cheikh dit فَالْحَالَةُ الْأُولَى مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُشْرَعُ لَهَا سُجُودُ السَّهْوِ هِيَ حَالَةُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَةِ وَهِيَ إِمَّا زِيَادَةُ أَفْعَالٍ أَوْ زِيَادَةُ أَقْوَالٍ. Donc, le cheikh dit la première situation. Non. La première situation, c'est lorsque quelqu'un oublie quelque chose, mais c'est-à-dire c'est lorsque quelqu'un ajoute quelque chose par oubli dans la salat. Oui, c'est ça la première situation que le cheikh mentionne. Ensuite, il dit c'est soit que tu ajoutes des actions ou que tu ajoutes des paroles, d'accord? Soit que tu ajoutes des actions dans ta prière, des gestes, des mouvements ou disons des choses qui font partie de la prière, ou bien que tu ajoutes des paroles également. Et le cheikh dit فَزِيَادَةُ الْأَفْعَالِ إِذَا كَانَتْ زِيَادَةً مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَالْقِيَامِ فِي مَحَلِّ الْقُعُودِ أو والقعود في محل القيام أو زاد ركوعا أو سجودا فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. Donc le cheikh il dit que si la personne a rajouté quelque chose qui fait partie des mouvements ou des gestes de, qui sont des gestes de la prière, hein, comme par exemple il s'est tenu debout au lieu de s'asseoir, ou bien il s'est assis au lieu de se tenir debout, ou bien il a rajouté un recours, ou bien il a rajouté un sujoud. Donc s'il fait ça par oubli, alors il doit faire sujoud, il doit faire deux prosternations après avoir terminé sa prière pour corriger cette erreur. Pourquoi? Parce que en se basant sur la preuve qui est mentionnée dans le hadith de Ibn Mas'ud qu'on a mentionné tout à l'heure, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous ou une personne ajoute dans sa prière ou bien diminue quelque chose de sa prière, alors qu'il fasse deux prosternations après sa prière. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Pourquoi le cheikh dit? Parce que l'augmentation, لأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى فشرع السجود لها لينجبر النقص. Donc c'est ça, c'est que le fait de rajouter quelque chose dans la prière, c'est une imperfection de la, disons, de la prière dans sa signification. Pourquoi? Parce que tu changes sa signification, tu changes la prière. Donc, étant donné que tu changes la prière, c'est comme si c'est une déficience. Yani, t'as un manquement dans ta prière. Et donc, tu dois, pour la corriger, faire deux prosternations à la suite. Le cheikh il dit: وَكَذَا لَوْ زَادَ رَكْعَةً سَهْوًا وَلَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. Le cheikh il dit: par exemple, si tu rajoutes une raka'a par oubli, par exemple, tu as rajouté une raka'a et t'as oublié, alors t'as rajouté une raka'a, alors si tu t'en es souvenu après avoir terminé cette raka'a, alors tu fais le sujoud sahou à la fin de ta prière. أما إذا علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. Donc par exemple il dit, par exemple, si tu t'es souvenu que c'est-à-dire pendant que tu es en train de faire une raka de trop, tu te rappelles que t'en avais déjà complété ta prière, que c'était déjà terminé, mais là t'es en train de, par exemple, t'avais fait 4 rak'ah puis t'avais oublié, alors tu t'es relevé pour faire une 5e, et là pendant que t'es en train de la faire, tu dis: ah mais moi j'ai déjà fait 4, alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien, tu t'assois tout de suite, tu fais ton tashahhud. Si tu n'avais pas déjà fait ton tashahhud, tu fais ton tashahhud et puis tu fais les prosternations de sahou, les deux prosternations, et puis tu fais le taslim. D'accord? Donc, pour répéter encore une fois, si tu as rajouté une raka'a par erreur, puis tu as fini ta prière, tu as fait déjà le taslim, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce jour de sahou, tu fais deux prosternations pour corriger ça. Mais si tu es en train de prier ou tu es en train de rajouter une raka'a, tu as fait une raka'a de trop, puis tu t'en aperçois pendant que tu es en train de la faire, tu continues pas, tu t'assois tout de suite, tu fais ton tashahhud et puis tu termines ta prière en faisant deux sujoud sahou, puis tu fais le taslim. D'accord? Et le cheikh dit: wa in kana imaman لازم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجل بأن يسبح الرجال وتصفق النساء ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه لأنه رجوع إلى الصواب وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. Donc le cheikh il dit que si par exemple l'imam fait une erreur, si c'est un imam qui fait l'erreur, dans ce cas-là les gens qui prient derrière lui, s'ils savent qu'ils ont réalisé que l'imam a rajouté quelque chose, ils doivent lui faire savoir, hein, si c'est les hommes, ils doivent dire Subhanallah, hein, ils disent Subhanallah. Si c'est des femmes, elles tapent des mains pour avertir l'imam que il a rajouté une raka'a, ok. Et yani, ceux qui sont derrière l'imam, si l'imam rajoute quelque chose, ils continuent pas à suivre l'imam. S'ils savent que l'imam a, comme par exemple, rajouté une cinquième raka'a pour la prière de Dhuhr, l'Asr ou l'Isha, ou bien si c'est le Maghrib, il rajoute une quatrième raka'a, ils doivent rester assis, hein. Et si c'est la salat de Subh, il rajoute une troisième raka'a, il reste assis et il doit dire à l'imam Subhanallah. D'accord? Pour que l'imam se rassoie. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit, il doit, l'imam, lui, aussitôt qu'il entend que les gens disent Subhanallah, il doit écouter qu'est-ce que les gens lui disent. Par exemple, si les gens l'avertissent qu'il a fait une erreur, s'il est pas certain qu'il a été correct, c'est-à-dire il a un doute lui-même, quand il entend que les gens l'ont corrigé, là quand il entend que les gens le corrigent, là il regarde. Est-ce qu'il est certain d'avoir bien fait la prière ou bien il pense qu'il a peut-être fait une erreur? S'il a un doute en lui-même, dans ce cas-là, il revient. C'est-à-dire il s'assoit ou bien il revient à qu'est-ce qui est correct. Et puis, yani, dans ce cas-là, il fait deux sujouds de sahou à la fin pour corriger son erreur. Et également, si les gens qui sont derrière l'imam s'aperçoivent que l'imam a diminué la prière, ils doivent également lui rappeler ça durant la prière. Si ils s'en aperçoivent durant la prière, par exemple, au lieu de prier 4, il fait 3, etc. Donc, dans ce cas-là, ils doivent lui faire savoir, comme on a dit tout à l'heure, en disant Subhanallah, ou bien, par exemple, en faisant frapper les mains si c'est les femmes. D'accord? Et, yani, ça, c'est s'ils se souviennent durant la prière. Toutefois, s'ils sont capables de l'avertir durant la prière, si, par contre, ils n'ont pas été capables d'avertir l'imam durant la prière, parce que peut-être parfois l'imam allait trop vite ou des choses comme ça, ben dans ce cas-là, aussitôt que la prière est terminée, ben ils avertissent l'imam qu'il a ajouté ou qu'il a enlevé quelque chose dans la prière. Donc le cheikh il dit amma ziyadatu l'aqwal kal-qira'a fi ruku'i wa sujud wa ka-qira'ati suratin في الركعتين الأخيرتين في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. Donc le cheikh il dit que si par exemple quelqu'un a rajouté des paroles, on a parlé des gestes, maintenant on parle des paroles. Si par exemple quelqu'un a rajouté une lecture dans le recours ou dans le sujoud, il a récité le Coran par exemple dans le recours ou dans le sujoud, ou bien il a récité à haute voix, yani dans les deux dernières rak'a, comme par exemple les deux dernières rak'a de l'Isha ou de l'Asr ou de l'Zuhur. En général, ces prières-là, on lit à voix basse, d'accord. Mais si par exemple quelqu'un oublie puis il lit à voix haute, dans ces rak'at-là, ben, ou bien dans le Maghreb, la troisième, ben, comme le cheikh il dit, s'il a fait ça par oubli, c'est recommandé pour lui de faire ce jeu de sahou. Toutefois, c'est pas obligatoire de le faire. C'est pas obligatoire de le faire s'il a rajouté, ces choses-là, yani, comme une lecture à haute voix, ou bien par exemple une lecture durant le recours et le sujoud. C'est sûr que c'est un oubli, mais c'est seulement recommandé de rajouter une sujoud sahou, c'est pas obligatoire. Ensuite, le cheikh dit amma al-halatu thaniya wa hiya idha naqasa min as-salati sahwan bi an taraka minha shay'an. Donc là on arrive à la deuxième situation, c'est lorsque quelqu'un par exemple a diminué ou disons enlevé quelque chose dans sa prière. Il a diminué ou enlever quelque chose dans sa prière par oubli. Et donc le cheikh il va donner maintenant les différents cas dans lesquels des choses comme ça peuvent se produire pour clarifier les situations de cette deuxième état là, de deuxième situation là. Le cheikh il dit: نعم إن ترك إن كان فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. Donc il dit que si en partant la chose que tu as oublié c'était un pilier de la prière, et que ce pilier là c'était le takbir, le premier takbir dans la prière, alors c'est comme si ta prière n'était même pas commencée du tout. Donc ça sert à rien de faire sujud de sahou dans un cas pareil, d'accord, parce que c'est comme si tu n'avais même pas encore entré dans la prière. Deuxième exemple que le cheikh donne, il dit: in kana ruknan ghayra takbirat al-ihram. Donc là il a donné le cas où le rukn que tu as oublié c'est le takbir, le premier takbir, takbirat al-ihram. Maintenant si c'est un autre pilier de la prière autre que le takbir de al-ihram, takbirat al-ihram, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le cheikh il dit comme par exemple karuku' ou sujud. Wa dhakara hadha al-matruk قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا ويأتي به وبما بعده. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que la personne qui a oublié un pilier autre que le premier takbir, comme par exemple le recours, un recours dans la prière ou bien un sujoud, au lieu de faire le recours, il est tout de suite tombé comme pour se prosterner par terre, il n'a pas fait le recours, ou bien par exemple il s'est prosterné une fois seulement, il a oublié de se prosterner deux fois. Donc ça c'est un pilier dans la prière. S'il a oublié ça et que il s'est souvenu de ce pilier là avant de commencer à lire pour une nouvelle raka'a, dans ce cas-là, il doit absolument, obligatoirement revenir à ce pilier-là qu'il a manqué et le faire et reprendre qu'est-ce qui vient après. C'est-à-dire faire qu'est-ce qui vient après ce pilier qu'il a manqué. Il doit le refaire, comme par exemple quelqu'un qui se serait prosterné tout de suite sans faire le recours. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir en position de recours, refaire son recours et continuer sa prière. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit: وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا وَقَامَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَلِيهَا مَقَامَهَا لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يُمْكِنْهُ إِسْتِدْرَاكُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا. Donc le cheikh dit: par contre, là on a vu que la personne, par exemple, elle s'est souvenue de l'oubli, elle s'est souvenue qu'elle a abandonné un pilier avant de commencer une nouvelle raka. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il a complété, il a commencé une nouvelle raka? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, s'il a commencé déjà une nouvelle raka, qu'est-ce qui se passe avec la raka dans laquelle il a oublié un pilier auparavant? Eh bien, elle est complètement annulée, c'est-à-dire elle compte plus, elle compte pas. Et pourquoi? Parce que dans cette raka'a, il a oublié un pilier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si il n'a pas fait cette raka'a-là, et celle qu'il est en train de faire, elle prend sa place. C'est-à-dire la raka'a qu'il est en train de faire après, ben c'est comme si cette raka'a-là, c'est elle qui prend la place de celle dans laquelle il a oublié un pilier dedans. لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا. C'est-à-dire il a manqué un rukn et il n'est pas capable d'y revenir, il n'est pas capable de retourner pour la faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé une nouvelle raka'a. Il a déjà commencé une nouvelle raka'a, donc il ne peut pas revenir en arrière. Après le cheikh il dit: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرُكْنِ الْمَتْرُوكِ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ. Si par exemple la personne elle s'est aperçue seulement après avoir fait le taslim qu'elle avait oublié un pilier, un rukn dans la prière, eh bien, elle va faire comme si elle avait oublié une raka'a au complet. Elle fait comme si elle a oublié une raka'a au complet. Et ça, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où, par exemple, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé entre le taslim et le temps où il s'est souvenu qu'il a oublié un rukn dans une raka'a. Donc, dans ce cas-là, si ça fait pas longtemps, comme par exemple tu as encore ton wudu et puis tu viens de terminer ta prière, il n'y a pas trop de temps qui s'est écoulé entre les deux, alors là qu'est-ce que tu fais? Tu refais une raka'a au complet et puis tu te prosternes deux prosternations, puis tu fais le taslim, d'accord? Donc par contre, si ça fait longtemps, le cheikh dit wa in tal al faslu ou in taqada wudu'uhu استأنف الصلاة من جديد. Toutefois, si ça fait une longue intervalle entre la fin de ta prière et puis le moment où tu t'es souvenu et que tu as perdu ton wudu, ou bien que tu as perdu ton wudu, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu refais ta salat au complet à nouveau, comme si tu n'avais pas prié du tout. Le cheikh il dit إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فإنه لا يعتبره كترك ركعة كاملة بل يأتي به ويسجد ويسلم. Il dit, si la chose que tu as oubliée ou que tu as abandonnée c'était le tashahud, le dernier tashahud, ou bien par exemple le salam, et dans ce cas-là qu'est-ce que tu fais? Tu ne le considères pas comme si tu avais abandonner une raka'a au complet. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais seulement ce tashahhud et ce taslim, et puis tu fais deux sujouds, deux prosternations, puis tu fais le taslim. Tu fais salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum wa rahmatullah. D'accord? Donc je vais répéter encore. Si la chose que tu as abandonnée, c'est le tashahhud ou bien le salam, le taslim, alors dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu considères pas que tu as abandonné une raka'a au complet. Tu fais seulement ton tashahhud ou bien ton taslim, et puis tu fais deux sujouds sahou et tu fais le taslim encore une fois. D'accord? Donc ça c'est inchallah, c'est clair. Ensuite le cheikh il dit wa in nasiya at-tashahhud al-awwal wa qama ila ar-rak'ati ath-thalitha لازمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما فإن استتم قائما كره رجوعه فإن رجع لم تبطل صلاته. نعم. Donc ici là il explique un autre point. Il dit que par exemple, si la chose que tu as oubliée dans ta prière, c'est un tashahhud après les deux premières rak'at, le premier tashahhud, d'accord? Donc, on va dire que, supposons que tu fais ta prière et là tu es arrivé à la deuxième rak'at, tu as fait ta deuxième prosternation, et là, au lieu de t'asseoir pour faire ton tashahhud, tu te relèves tout de suite pour faire une troisième rak'at, sans faire le tashahhud. Le cheikh il dit, si tu t'es pas complètement relevé, si t'es pas complètement redressé debout complètement, mais que tu t'es souvenu juste quand tu commençais à te relever, dans ce cas-là, tu te rassois et tu fais ton tashahhud, puis tu continues ta prière. Et puis il dit, si t'as oublié ton tashahhud entre les deux rak'at et que t'es pas encore debout complètement, tu t'assois, tu fais ton tashahhud, puis tu continues ta prière. Toutefois, si tu t'étais déjà redressé complètement debout, c'est détestable de te rasseoir. Mais toutefois, si tu te rassois, ta prière n'est pas annulée, ta prière est encore valable. C'est-à-dire, c'est préférable de pas te rasseoir. Toutefois, si tu te rassois, ta prière est encore valable. Ça, c'est dans le cas où tu étais complètement debout. Après le cheikh il dit wa in shara'a fi al-qira'a wa harama 'alayhi ar-ruju' li'annahu تلبس بركن آخر فلا يقطعه. Donc le cheikh il dit, si par contre tu t'étais redressé debout puis que tu avais commencé déjà à réciter encore une fois le Fatiha dans la nouvelle raka'a, alors dans ce cas-là, t'as pas le droit, c'est haram de te retourner pour t'asseoir encore une fois. C'est-à-dire là, tu t'es relevé sans faire le tashahhud, mais t'as commencé à réciter al-Fatiha. Tu peux plus te rasseoir. Si tu te rassois avant d'avoir commencé à lire, comme tu t'es levé puis tu t'es souvenu, tu t'es assis tout de suite, tu t'assois, c'est détestable. C'est détestable. Toutefois, si tu as commencé à réciter, tu peux plus t'asseoir. Tu continues ta prière. D'accord? Et puis après, le cheikh, il dit, pourquoi tu peux plus t'asseoir? Parce que tu as commencé un nouveau pilier. Et donc, tu peux pas l'interrompre. Ensuite, il dit, وَإِن تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى ويسجد للسهو في كل هذه الحالات. Oui, c'est ça. Donc le cheikh il dit ici que si par exemple tu as oublié de faire le tasbih, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, ou bien subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la, tu as oublié de faire ça dans le sujoud ou dans le recours. Alors, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de retourner de revenir à ce mouvement-là pour le faire tant que tu ne t'es pas complètement redressé debout. Et que tu n'as pas encore commencé à faire une nouvelle raka'a. D'accord? Par exemple, tu t'es pas redressé pour la nouvelle raka'a ou une autre raka'a, dans ce cas-là, tu te remets dans la position pour faire le subhanallah et pour faire subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-a'la, pour le rukou' et pour le sujoud. Et il dit que pour toutes les situations qu'on a mentionnées auparavant, comme j'avais dit tout à l'heure, les cas que j'ai donné depuis tout à l'heure, et ben ces cas-là on fait sujoud sahou pour toutes ces étapes-là et pour toutes ces situations-là. Ok. Et puis, pour la troisième situation, c'est la situation où tu as un doute. Fi halatin, fi halat shak. Shak fi salat. Fa in shak fi adad rak'at, bi an shak asalla thnitain am thalathan mathalan. Donc par exemple, on va dire que tu pries, tu as fait ta prière, ok, et tu as un doute sur le nombre de rak'at que tu as fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes toujours le plus petit nombre. Tu as le doute sur le nombre, prends toujours le plus petit nombre. Par exemple, tu ne te souviens pas, est-ce que j'ai fait 3 ou 4? Tu ne te souviens pas, est-ce que j'ai fait 2? Une ou deux, tu prends toujours le plus petit nombre, c'est-à-dire tu prends toujours le 1 si c'est 1 ou 2, tu prends toujours le 3 si c'est 3 ou 4. Donc c'est-à-dire, si tu sais pas est-ce que j'ai fait 3 ou 4, prends 3, comme si tu dis j'ai fait seulement 3, et tu continues ta prière, tu fais la rakat qui te manque, parce que on se base toujours sur la certitude. Donc tu as le doute que tu as fait 3 ou 4. Tu sais pas si tu as un doute, est-ce que j'ai fait 3 ou 4? Donc c'est sûr que tu as fait 3, au minimum que tu as fait 3 dans ce cas-là. Donc tu te bases sur la certitude, c'est-à-dire tu fais 3. لأنه المتيقن. C'est ça, c'est parce que c'est sur ça que tu as la certitude. Donc tu te bases sur la certitude. ثم يسجد للسهو قبل السلام لأن الأصل عدم شك عدم ما شك فيه. C'est ça. Puis ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes, deux prosternations pour corriger ta prière avant de faire le salam. C'est-à-dire, quand tu as fini ton tashahhud, tu fais deux prosternations et puis après tu fais ton taslim. D'accord? Le cheikh il mentionne une preuve de ça, il dit wal hadith wa li hadith Abdurrahman ibn Auf idha shakka ahadukum idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan salla aw ithnatayn falyarji'ha falyaj'alha wahidatan fa'idha lam yadri thintayn aw thalathan فليجعلها اثنتين رواه احمد ومسلم والترمذي ça c'est rapporté par Muslim mais c'est pas selon Abu Saïd c'est pas selon Abdurrahman ibn Auf la version de Muslim elle est selon Abu Saïd al-Khudri et l'autre version de Abdurrahman ibn Auf il est rapporté selon Ahmad al-Tirmidhi et également Ibn Majah. Naam, donc ça dit quoi ce hadith? Ça dit si l'un d'entre vous a un doute dans sa prière et qu'il ne sait pas est-ce qu'il a fait une ou deux rak'at, alors qu'il la fasse un, c'est-à-dire qu'il fasse comme s'il en a fait juste une. Et s'il ne sait pas est-ce qu'il en a fait deux ou trois, alors qu'il la fasse comme si c'était deux. S'il ne sait pas s'il a fait deux ou trois, il prend le deux. D'accord, donc ça je crois que c'est clair. Ensuite il dit wa in shakka al ma'mum adakhala ma'a al imam fi al ula aw fi al thaniya ja'alahu fi al thaniya aw shakka hal adraka al rak'a am al aula lam ya'tadda tilka al rak'a wa yasjudu lis sahwi. C'est-à-dire si tu rentres avec l'imam dans la prière et puis tu as oublié, est-ce que je suis entré dans la prière avec l'imam dans la première raka'a ou dans la deuxième raka'a? Tu n'es pas certain. Alors tu fais comme si tu es rentré dans la deuxième. Et tu complètes ta prière avec, tu complètes la raka'a qui te manque. Ou bien si tu as un doute, est-ce que tu es arrivé à temps pour attraper cette raka'a ou non? C'est-à-dire, tu es arrivé avant le recours ou après le recours? T'es pas certain, dans ce cas-là, tu fais comme si tu n'avais pas eu cette raka'a et tu fais les deux prosternations de sahou. Ensuite, le cheikh dit wa in kana wa in shakka fi tarki ruknin fa kama law tarakahu. Si quelqu'un a un doute, est-ce que j'ai abandonné un pilier? Alors il fait comme s'il l'a abandonné et il fait pour ce doute-là comme les détails qu'on a mentionnés dans qu'est-ce qui a précédé dans le deuxième cas de sahou. Wa in shakka fi tarki wajibin lam ya'tabiru dhalika ash-shakk wa la yasjudu lis-sahwi wa hadha law shakka fi ziyadatin wa lam yaltafit ila hadha ash-shakk li anna al-asl 'adamu az-ziyada. Donc le cheikh il dit si la personne toutefois a un doute, est-ce qu'il a rajouter, pardon, si la personne a un doute, est-ce qu'elle a oublié ou abandonné une obligation, c'est-à-dire pas un pilier, une obligation, dans ce cas-là, il fait comme s'il il ne prend pas ce doute-là en considération et il ne fait pas de sujoud de sahou pour l'obligation. Parce que c'est comme si, en réalité, la base, al-asl, c'est qu'on n'ajoute pas. Et il ne doit pas se tourner à ce doute-là, et il ne doit pas le considérer. Na'am. Après, le cheikh dit وَهَذَا il dit هَذِهِ جُمَلٌ مِنْ أَحْكَامِ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَ فَلْيُرَاجِعْ كُتُبَ الْأَحْكَامِ. Wallahu al-muwaffaq. Donc le cheikh dit voilà quelques explications au sujet des règles de la prosternation de l'oubli et celui qui veut plus de détails il peut consulter les livres qui expliquent les règles de la charia à ce sujet là wallahu al-muwaffaq. Donc je pense que avec tout ça c'est clair. C'est sûr qu'il y a d'autres détails, comme le cheikh a dit, il y a d'autres détails à clarifier peut-être là-dessus. Et le cheikh, lui, il a expliqué, disons, les règles de base, les règles générales. Je pense que ça vous aide un peu à avoir une meilleure compréhension à ce sujet-là, inshallah, c'est quand même pas si compliqué que ça. Hein? C'est juste que yani, parfois yani, on est un peu mélangé dans le lorsque ça se produit, on a de la misère à savoir qu'est-ce qu'on doit appliquer et comment on doit l'appliquer. Toutefois, yani, avec le temps, yani, ça vient. Et il y a aussi des fois, il faut faire attention parce que des fois, c'est seulement le shaitan yani, qui essaie de nous mettre des doutes dans notre prière et ça devient parfois une source de waswasa. Yani, le shaitan, il vient, puis à chaque fois, dans chaque prière, il y a des gens, à chaque prière, ils pensent qu'ils ont oublié quelque chose. Et quand ça arrive à ce point-là, au point où tu commences à douter dans ta prière, parfois même, il y a des gens qui ont peur que, non seulement qu'ils pensent qu'ils ont oublié une chose, mais il y en a qui commencent à oublier plusieurs choses dans la même prière, yani. Hein, plusieurs piliers dans la même prière, dans chaque raka'a, ils pensent qu'ils ont oublié quelque chose ou des choses comme ça. Là, ça devient parfois maladif même. Et dans ce cas-là, yani, les ulama, ils disent, passez, c'est-à-dire faites comme si vous n'avez pas de doute et vous continuez votre prière normale et vous faites votre taslim normal. C'est-à-dire, vous préoccupez pas des waswas du shaitan dans des cas comme ça. D'accord? Pour couper le waswas, pour le couper complètement. Et vous allez voir qu'après un certain temps, eh ben, vous allez être guéri de ces doutes-là et vous allez être capable de vous concentrer plus comme il faut dans votre prière. Et vous allez voir qu'en réalité, yani, vous n'avez rien oublié dans votre prière. C'est juste le shaitan qui veut jouer avec vous et avec votre esprit pour vous faire perdre votre temps et vous faire parfois même le fait que la personne a des doutes comme ça, elle commence à, disons se fatiguer, yani, à force de toujours refaire son adoration à chaque fois. Alors, à force de le refaire comme ça, eh bien, le shaitan essaie de la fatiguer la personne et puis peut-être même essayer de la faire abandonner l'adoration. Donc, il faut faire attention à des choses comme ça, inshallah. Ok, on va s'arrêter aujourd'hui ici, puis on continuera demain. Et demain, le sujet duquel on va parler, inshallah, c'est le dhikr qu'on doit faire après la prière. Le dhikr qu'on doit faire après la prière et la réponse ou la réfutation de ceux qui, par exemple, font autre chose que les dhikr qui sont mentionnés dans la sunna. Hein. Et on va mentionner des formes de bid'ah que certaines personnes font après la prière, inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et j'espère que ça a été clair le plus possible, inshallah. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.